Là, on va les rencontrer après la conférence. Il ne faudra pas que vous sauviez. Ça ne sera pas trop, trop long. Alors, nous voici dans cette troisième partie de la conférence du mois, Daniel. On a plusieurs questions qui ont été écrites, alors je vais te les poser. La peur superstitieuse ne fait-elle pas partie de la possession? On y a répondu. Parfait, un autre. De quelle façon l'astral a-t-il été énergisé en 1700? Pourquoi tu me la donnes? On va revenir si on a le temps à la fin. Comment faire pour contrer les effets nocifs des aliments, Michel? Qu'est-ce que le subconscient? Et qu'est-ce que la folie et comment se passe l'évolution du fou? Lorsque tu dis l'homme devra rencontrer le mal qui est en lui et lui parler face à face, pourrais-tu donner un exemple concret pour clarifier? Le problème du mal est de rencontrer face à face, donc l'initiation du mal. Si on explique trop les moyens ou les façons de pouvoir rencontrer le mal, l'ego va vouloir jouer avec ses connaissances pour essayer de simuler une rencontre et, évidemment, il va vaincre. Il y a des chances, et automatiquement, il aura l'illusion, encore une fois, d'avoir accompli un processus initiatique, alors qu'en réalité, il aura simplement été initié par l'astral comme il l'est toujours. Alors, ce qui fait que je ne veux pas trop parler de la rencontre. De toute façon, vous avez suffisamment eu d'informations en ce qui concernait le mal aujourd'hui. On va y revenir de toute manière, soit dans les PMC supérieurs ou dans des conférences du mois. De toute façon, dans les deux, on va y revenir. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Rencontrer le mal, disons que c'est se soumettre à la tentation. Et se soumettre à la tentation peut être fait sous différents niveaux. Et plus on se rapproche d'un niveau qui est matériellement astral, ou c'est-à-dire d'un niveau astral extrêmement bas, plus on rencontre ou plus on se rapproche d'une tentation ou d'une énergie qui se rapproche à l'idée que l'on se fait du diable. Alors, le rencontrer face à face, premièrement, on rencontre des petits diables, et c'est simplement dans des choses courantes de la vie qui vont mettre à l'épreuve notre expression de volonté. Et plus on va vouloir, ou plus on va être prêt à être soumis à des tentations différentes et plus dangereuses, et lorsque je n'emploie pas le mot tentation, c'est simplement parce que la tentation, c'est une énergie astrale manipulatrice, et toutes les formes de possession, toutes les formes de rencontres diaboliques, enfin bref, tout ce qui est relié à l'astral, fait partie de ce qui manipule. Alors, lorsque je parle d'être soumis à la tentation, lorsque je rencontre le diable face à face, je veux simplement dire être soumis à une énergie qui, d'instinct, tente à me manipuler. Et quel que soit le degré de puissance et de vibration de cette énergie, elle va tenter de me manipuler. Donc, je suis soumis à la tentation, c'est-à-dire que si l'énergie veut simplement rejouir du plaisir de manger une pomme, je vais manger une pomme. Et j'appelle ça une tentation, j'ai le goût de prendre la pomme, je la prends-tu, je la prends-tu pas. Quand tu rencontres le diable, pas question, j'ai-tu le goût d'embrasser ou non. C'est pas ça la tentation. Mais on rencontre l'énergie qui tend à nous manipuler. Et celle qui nous manipule le plus, et celle sur laquelle on va le moins faire de travail, c'est l'énergie du bas astral. Et c'est celui-là qui est dangereux, c'est celui-là qui va nous faire souffrir le plus lors de notre conscientisation. Alors, rencontrer le diable face à face, c'est se soumettre à la tentation, et donc, il y a plusieurs tentations, plusieurs diables, plusieurs face à face. Chose qui est importante, c'est qu'on doit nous-mêmes décider, à un moment donné, de bâtir une porte devant laquelle on va se placer lorsqu'on va se sentir prêt, et devant laquelle on va inviter les forces de tentation à venir se présenter. C'est l'initiation et c'est plus intelligent de le faire ainsi que d'attendre qu'elle vienne parce que lorsqu'elle vient, on ne l'attend pas, on ne le sait pas, on ignore qu'elle est là, on ne comprend pas ce qui se passe, on recherche à s'en sortir, alors on perd, disons, la possibilité que l'énergie mentale ou supramentale aurait de s'exprimer, donc on perd l'énergie de la volonté de s'en sortir. L'énergie astrale, surtout, qui va essayer d'expliquer le problème. Donc, en essayant de placer, de bâtir ce cadre de porte et de se placer lorsqu'on est prêt devant, c'est déjà mieux. Maintenant, l'autre problème, c'est que plus l'ego apprend, plus il devient fou. Et plus l'ego est fou, plus il tente de grimper et d'aller chercher des énergies pour se rassurer. Donc, connaissant les possibilités de l'initiation du mal, vous risqueriez de tenter de temps en temps de construire une initiation pour essayer de contrôler le mal, pour vous soumettre à la tentation. Je vous répète que l'énergie de l'ego n'est pas suffisamment conséquentielle pour faire ce genre d'exercice. Et présentement, vous n'êtes pas prêt. Je parlais au début de mettre une graine pour vous permettre de comprendre ce qui va vous arriver. Mais présentement, ce n'est pas le temps et ce n'est pas à vous présentement de penser à construire ce genre de choses. L'énergie mentale n'est pas suffisamment conscientisée chez vous. Et ce n'est pas des insultes, c'est une réalité. Certains parmi vous, je pourrais dire, sont presque prêts pour atténuer. Comme ça, en disant certains, je parle d'une dizaine. Et de cette façon, tout le monde pense être dans la dizaine. Bref, tout le monde pense être prêt. Alors, il n'y a personne, présentement dans la salle, qui est prêt à construire ce genre de cadre de porte. Mais à un moment donné, vous allez apprendre comment le faire, par la vie ou par n'importe quel moyen, et vous allez devoir le faire. Tout ce qui est important, c'est de bien savoir que celui qui se prépare va devoir se soumettre à la tentation pour vérifier ou pour exprimer, pour confirmer ce qu'il est. Vous mutez, vous devez confirmer par l'expression la mutation. Vous êtes créateur, si vous ne créez pas, vous n'êtes pas créateur. Lorsque tu parles de ce cadre de porte, Daniel, qu'il faut construire pour afin de mettre une porte, est-ce que ça rejoint ce que quelques-uns ont exprimé de façon différente, je pense, lorsqu'ils disaient que quand la lumière descend dans l'homme, infailliblement, il y a l'ombre. Est-ce qu'on peut établir un parallèle entre ces... Ah, on peut faire des parallèles avec belles choses. De toute façon, ce que les autres ont dit, disons que présentement, ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse, ou de faire le parallèle avec le passé, étant donné que c'est un... Ça serait inutile. Parce qu'à ce moment-là, on s'apercevait que l'ombre était là. On ne s'y attendait pas à avoir une ombre à ce moment-là. Mais disons que le seul parallèle qu'on peut faire, c'est que l'ombre a sauvé beaucoup plus d'individus que le soleil. Il y a beaucoup plus qui recherchent l'ombre lorsque le soleil est là que de personnes à l'ombre qui recherchent le soleil. Qu'est-ce que c'est qui pousse l'individu à rechercher ça? À rechercher l'ombre. Le soleil brûle la peau. Le soleil, c'est une énergie qui est hautement évolutive dans le plan de la matière. C'est l'une des énergies, la lumière est l'une des énergies les plus évoluées du plan bas de la matière. En haut de la lumière réelle, la lumière qui nous éclaire, on a l'énergie vitale. En haut de l'énergie vitale, on a l'énergie astrale. Et la lumière, c'est la plus haute forme d'expression évolutive du plan matériel. Autrement dit, il est venu un temps où, dans la matière était suffisamment densifiée que l'énergie descendante, qui a pu être appelée, de façon dont on a parlé le mois dernier, qu'on pourrait appeler Jéhovah, a cessé son évolution à ce niveau-là, étant donné qu'elle était suffisamment supportée par les énergies de la matière sur tout leur plan, et c'est la lumière que l'on perçoit présentement, qui est surtout représentée par le soleil. Et cette lumière, ce soleil, par plusieurs autres affinités avec d'autres soleils sous d'autres plans, c'est-à-dire qu'on a un soleil, une lumière qui est le summum de l'évolution de la matière, mais on a aussi un soleil qui va être le summum de l'énergie vibratoire du corps vital. Mais ce n'est pas un soleil nécessairement comme notre soleil qui éclaire. Mais disons que le soleil étant le plus haut point de l'évolution de la matière, le plus haut point de l'évolution du corps vital, forme un soleil qui, s'il éclaire directement l'énergie vitale d'un être humain, peut détruire l'énergie vitale de l'être humain, c'est-à-dire que c'est dangereux. Et on a aussi un soleil dans le plan de l'astral, on a aussi un soleil dans le plan du mental et un soleil central au niveau du supramental. Alors donc, on a l'évolution summum de chacun de ces plans. Et l'être recherche continuellement. Et le soleil, malgré qu'il va mourir, malgré qu'il va dessécher au soleil, malgré que son corps n'est pas prêt à vivre le soleil, parce qu'il a une peur de l'humidité, une peur de l'eau, une peur de la noirceur. Et automatiquement, sur le plan matériel, c'est évident que l'humidité, l'eau, la noirceur peut nuire au corps. Mais le corps est quand même fait à 80% d'eau. Donc, automatiquement, le soleil est beaucoup plus dommageable pour le corps que l'eau. Si tu es dans l'humidité, il va te falloir beaucoup plus de temps avant que ton corps physique se transforme que si tu es placé dans un soleil sèche. S'il fait 80 degrés dehors et que c'est humide, tu as plus chaud. Mais c'est beaucoup moins dangereux que si c'est totalement sèche et que tu n'as pas d'eau pour compenser. L'initiation solaire, elle est recherchée par la moitié de la planète, ou disons par une moitié évolutive de la planète. Et l'initiation lunaire, elle est enseignée et recherchée par l'autre moitié évolutionnaire de la planète. Et ces raisons sont simples, c'est qu'on a des énergies, des guides de lumière, qui sont tous lucifériens et qui ont une tendance innée à ne rien comprendre. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont, disons, le summum d'une partie d'un temps d'évolution sur la planète, ils ne sont pas le summum de l'évolution de la galaxie. Donc, ils comprennent mieux que l'homme de l'époque, mais présentement, si on serait placé dans la même époque, on risquerait, certains d'entre nous, de comprendre mieux qu'eux autres. Donc, dans une époque donnée, on a des êtres qui ont une évolution donnée, et ces êtres-là ont tenté de faire en sorte que l'homme évolutif essaie de voir complètement la lumière, c'est-à-dire les soleils, sous chacun de leurs plans, pour pouvoir en absorber totalement l'énergie de façon à devenir ce soleil. C'est ce que l'homme va finir par faire. Mais présentement, lorsque l'homme essaie de faire ce genre d'expérience, il est consumé. Donc, il ne doit pas le faire. Et on a donc l'enseignement humide, l'enseignement de l'eau, et l'enseignement de l'eau va être régi surtout par les églises, et surtout par l'Église catholique, qui a comme protection un bol d'eau à l'entrée de l'église, qu'on appelle de l'eau bénite, et qui a comme symbole le poisson, et qui a comme plusieurs autres symboles, plusieurs autres choses. Si on prend, par exemple, le comte de Saint-Germain, qui est une entité totalement luciférienne, mais qui a trahi les voies luciférennes, c'est-à-dire qu'il a pu, disons que le comte de Saint-Germain a pu, à un moment donné, se libérer de tout ce qu'il avait comme génétique descendante de Lucifer, de ses énergies de lumière pour devenir une énergie obscurcissante. Et par après, il a pu, avec l'énergie du Christ qui est venu énergiser le corps de Jésus à un moment donné, il a pu, par différentes initiations, évidemment descendre aux enfers et monter, etc. Et présentement, c'est celui qui a le plus tendance à obscurcir l'évolution de ceux qui ne sont pas prêts. Donc, il va fonder différentes sociétés secrètes. C'est lui aussi, d'ailleurs, qui va énergiser l'astral en 1600 par différents mécanismes qu'il a éparpillé un peu à l'échelle de la planète, surtout en comptant un paquet de menteries, en permettant à un pauvre individu de compter un paquet de menteries sur son compte et ne jamais rien démentir. Donc, créer la farce astrale, créer un égrégore astral qui, comme le Nazaréen l'a fait, a pu dynamiser son passage dans le contexte de cette époque. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas tué. Celui qui l'a permis de faire a dynamisé dans l'astral collectif de la région ce qu'il fallait pour que lui puisse passer. Et lui n'avait pas toujours les plus beaux diamants sur lui, les plus beaux bijoux sur lui et les plus belles attirailles sur lui, pour rien. C'est simplement pour énergiser l'astral de la population et surtout l'astral des femmes. D'ailleurs, la femme a été un outil exemplaire pour le comte de Saint-Germain à cette époque. Et donc, Saint-Germain, qui était un être de lumière, est devenu un être de l'ombre. Et comme on l'a vu un peu le mois dernier, l'homme essaie surtout de rejoindre les êtres de lumière et fuit les êtres de l'ombre. Mais le spiritualisme, ceux qui sont ancrés à croire, sont des êtres qui n'ont pas l'énergie de conscience, donc ils ne peuvent pas faire affaire avec la lumière. Ce qui fait qu'automatiquement, ce sont des êtres croyants qui ont la foi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de rester manipulés à l'obscurité, parce que là, il y a protection, même s'il y a Satan ou même s'il y a n'importe quelle chose. S'ils regardent vers le soleil, regarder Dieu, c'est découvrir Dieu comme il ne l'est pas. Ce n'est pas ton ego qui va déterminer la forme de la lumière. Donc, automatiquement, tu vois la lumière comme elle est, et pour plusieurs mécanismes énergétiques, tu risques d'être consumé. Les guides de lumière sont des êtres dangereux pour l'évolution de l'humanité, et les guides de l'obscurité sont des êtres corrects. Évidemment, on a les forces du mal qui vont tendre à obscurcir l'évolution de l'homme, et là, on fait un mélange entre Lucifer et le diable et Satan. Alors donc, on a les forces du mal qui vont tendre à puiser de l'énergie chez l'homme. L'homme ayant moins d'énergie, voit moins la lumière. Même si elle est obscurcie, il la voit de moins en moins. Donc, automatiquement, on a des forces qui tendent à amener l'homme dans la noirceur, c'est-à-dire à puiser l'énergie de l'homme, Donc, l'homme s'éloigne de la lumière, c'est-à-dire en termes vibratoires, il s'éloigne de ses soleils parce qu'il est de plus en plus densifié. Mais cela n'a rien à voir avec les forces qui tentent à obscurcir la vision évolutive de l'homme, qui sont régies par des énergies tellement intelligentes que leur plan ne peut être compris par la conscience aberrée humaine. Donc, l'être qui obscurcit, comme le comte de Saint-Germain qui est maintenant un être qui obscurcit, malgré qui il est le descendant direct de celui qui a amené la déchéance sur la planète, le comte de Saint-Germain tend à obscurcir, mais il ne puise pas l'énergie chez l'homme, donc il n'amène pas l'homme dans la noirceur, même s'il obscurcit le soleil. Les énergies, disons, de l'intelligence. Et on a les énergies, disons, luciférienne, qui ne peuvent, de toute façon, rien contrôler en ce qui concerne la vision de l'énergie supramentale. L'énergie luciférienne, elle est brimée, elle est bloquée seulement au niveau du plan astral. C'est-à-dire que tu peux voir, par la manipulation luciférienne, le soleil matériel, le soleil géovique. Tu peux voir le soleil au niveau d'énergie vitale, le soleil au niveau de l'énergie astrale, et cela est suffisant pour te détruire. Mais Lucifer n'a rien comme manipulation au niveau d'énergie mentale, et il ne peut rien faire avec l'énergie supramentale. Il n'est pas supramental, Lucifer, c'est un guide de lumière, parce qu'il est là, disons, d'un des descendants immédiats d'un soleil, c'est-à-dire de la haute sphère de l'évolution du soleil astral. Donc, il est presque ce soleil, c'est un guide de lumière, mais il veut amener l'homme vers ce soleil parce que lui en a bénéficié. Et pour différents mécanismes qu'on a déjà un peu vus, qu'on va revoir un peu, pas plus, à un autre moment donné, Lucifer a fini par avoir un ego et il a voulu aider l'évolution de l'humanité. Donc, il a donné comme cheminement d'évolution à la planète Terre ce que l'homme est présentement. Et le Christ est une autre forme d'être qui était aussi relié à la lumière, qui a aussi quitté la lumière à un moment donné. La majorité des êtres qui présentement dirigent l'évolution de l'homme sont des êtres qui, à l'origine, viennent des êtres de lumière, c'est-à-dire que connaissant la lumière, ils sont maintenant du côté de l'obscurité et ils sont capables de manipuler les guides de lumière parce qu'ils sont maintenant énergisés par les soleils supérieurs, c'est-à-dire par l'énergie mentale, l'énergie supramentale. Donc, même si tu es le descendant de Lucifer, tu es supérieur à Lucifer. Alors, ce qui fait que tous ces mécanismes placés ensemble font que l'être, la majorité des humains, ceux qui sont descendants directs, disons, des êtres obscurcis, vont rechercher la foi, donc vont se cacher du soleil au niveau physique. Le corps physique ne peut pas vivre au niveau du soleil, sauf si ton intelligence planétaire fait que tu te mets une espèce de crème solaire, donc tu filtres, donc tu obscurcis, et là ton corps peut vivre. Et là ton corps brunit, ton corps se revitamine en vitamine D, ton corps se réénergise en énergie vitale, parce que dans le soleil solaire matériel, on a le soleil vital, et automatiquement le corps, avec ses filtres, peut se régénérer de ses énergies, mais sans brûler. Et c'est la même chose pour le plan de l'astral, le plan vital, le plan mental et supramental en ce qui concerne les énergies supérieures, où on va automatiquement avoir des lunettes soleil et des filtres, des onguents, des crèmes solaires, pour permettre à la personne de pouvoir se conscientiser, mais d'une façon non dangereuse. Et ça, c'est le rôle des religions. Et évidemment, les religions finissent toujours par être assujetties à des formes qui sont un peu maléfiques. C'est normal, parce que ce qui est créé à l'origine descend à un moment donné, donc la religion suit avec. C'est pour ça qu'on a du monde qui prie régulièrement pour essayer d'augmenter le schéma, d'énergiser le haut de la religion au niveau spirituel, mais on a de moins en moins de croyants, donc on a de moins en moins de support, on a de plus en plus de maléfices. On a la religion de Satan aux États-Unis qui grossit de plus en plus, et un peu partout ailleurs, la religion du diable. Alors, ce qui fait que ces énergies-là, maintenant, les énergies mentales et supramentales, continuent, eux autres, à imposer le filtre, et la personne qui va, dans l'entité énergétique, qui s'occupe le plus au niveau de la planète de gérer l'obscurcissement de cette planète aux nouvelles énergies, c'est le comte de Saint-Germain. C'est l'une de ses nombreuses fonctions, et il le fait parce que l'homme n'est pas prêt. Mais vu que c'est intelligent, l'homme qui est prêt a ce qu'il a besoin. Mais ce n'est pas l'homme, l'ego de l'homme, qui décide lorsqu'il est prêt et lorsqu'il n'est pas prêt. En quelque sorte, il sert de lunettes fumées, comme tu mentionnais tantôt. C'est en plein ça. Tantôt, tu as mentionné qu'on ne l'a pas tué. Mais on a essayé à plusieurs reprises de tuer le comte de Saint-Germain lorsqu'il était de passage sur Terre. Et semble-t-il, selon les écrits qui ont été faits, naturellement, ils n'ont pas réussi. Mais il y avait une surprotection, ou il s'était créé une surprotection, parce que aussitôt que quelqu'un arrivait dans une ville ou s'approchait de lui, il savait ce qui se passait, puis il s'en allait. il allait se cacher. Pour des raisons assez mystérieuses, disons qu'on parlera pas trop, évidemment, c'est que le comte de Saint-Germain manipulait à l'époque où tu parles, il manipulait aussi bien ses assassins que ceux qu'il sauverait. Et c'était des mécanismes tout à fait bien placés pour poursuivre l'énergisation de l'astral en ce qui concerne son nom lui-même. Le Nazaréen a dynamisé suffisamment à l'extérieur pour créer une espèce d'enveloppe astrale où il pourrait faire sa job. On a parti des religions, on a fait plusieurs choses suite à ça. Le comte de Saint-Germain a aussi énergisé l'atmosphère astrale de la région et même des régions où il a vécu, simplement pour se créer un gant de velours où il pourrait lui-même s'en aller sans problème. Donc, pour énergiser le mythe, pour pouvoir garder dans l'astral de la région ce qu'il devait être gardé, pour pouvoir préserver ce que lui ferait plus tard, automatiquement, il a créé des personnes pour le tuer et il a créé les portes pour s'en sortir, ce qui a évidemment amené plusieurs personnes à s'imaginer qu'il traversait les murs, que les balles le traversaient, qu'il pouvait prendre des poisons sans mourir. On a su qu'il était alchimiste, il s'en est d'ailleurs vanté, donc on a pensé qu'il avait peut-être des recettes pour se sauver des poisons. On a aussi pensé qu'il avait un élixir de longue vie, et d'ailleurs il s'en est encore une fois vanté, c'est-à-dire que lui n'a jamais dit. Quand une personne lui demandait, avez-vous un élixir de longue vie, elle répondait, ah, effectivement, oui. Alors c'est quoi? Alors je vais vous en amener la semaine prochaine. Il faisait un peu comme une certaine personne qu'on connaît. Alors il amenait l'élixir à la personne, et puis lui en donnait. Mais on a des choses assez originales qui sont encore racontées, et Saint-Germain n'a jamais démenti ces choses. Comme par exemple, à un moment donné, on a une personne qui a absorbé complètement l'élixir de jeunesse de sa maîtresse. Elle avait une espèce de problème au niveau de la gorge, et elle avait bu un peu surtout, et elle a cru qu'en buvant ce liquide, tout passerait, ça paraîtrait pas. Et quand la maîtresse est rentrée, bien, sa servante, elle a appelé toutes ses servantes pour savoir qui c'est qui avait vidé la fiole, et il en manquait une. Il en manquait une, et c'est normal qu'il en manquait une. Par contre, il y avait un bébé dans la chambre. Et on n'a jamais su tellement ce qui se passait. Mais il n'y a jamais personne, qui était, surtout pas Saint-Germain, qui est allé démentir ce genre de choses. Créer une forme, c'est important. Et lorsque l'on crée une forme, c'est pas parce que c'est l'ego, c'est parce que c'est conséquentiel de quelque chose. Créer une forme, c'est énergiser l'astral. Et lorsqu'on détruit la forme, on ne désénergise pas l'astral, on réénergise encore plus l'astral. C'est pourquoi celui qui crée une forme, qui veut la détruire, doit faire attention. Et c'est pourquoi celui qui s'amuse à détruire les formes un peu partout, réénergise l'astral. Avant de détruire une forme comme ça, Daniel, est-ce qu'il ne faut pas la créer, cette forme-là? Pour le comte de Saint-Germain, il n'était pas question de détruire, il était question de créer. Présentement, Saint-Germain va pouvoir s'arranger pour, avec différentes personnes, détruire certaines formes. On est rendu dans une époque, d'ailleurs, il y a plusieurs époques qui ont existé dans le même genre, où l'homme peut détruire certaines formes. On a eu une époque, il y a très très très longtemps, où l'homme, le temps était régi par un maître de temps, et la matière était régie par un maître de la matière. Et lorsque l'on parle ésotériquement, encore que c'est même pas connu dans l'ésotérisme, on pourrait dire que le roi est celui qui règle la matière et le prêtre est celui qui règle le temporel. C'est-à-dire que le prêtre connaît l'immortalité, les incarnations, les réincarnations, le paradis, l'immortalité, quelque chose qui est éternel. Ça, c'est le domaine de la religion, le domaine des prêtres. Et au niveau de la matière, on a le roi qui gère la finance, les armées, les châteaux, les terres, la culture, les impôts, la protection du peuple. Et on a eu une époque, et on va revoir une époque, où on va avoir ces deux choses placées dans un même contexte. C'est-à-dire qu'on a eu une époque où le temps et l'espace étaient régis par le même genre d'expression d'énergie, et on va revoir, à un moment donné, encore le temps et l'espace régis non plus par deux clans qui se luttent, mais par un clan qui comprend. Et si on regarde, par exemple, le dernier régisseur du temps et de l'espace en même temps sur la planète, c'était celui qui était roi et prêtre, c'était le prince de Salem, c'était le dernier Melchisédek. Et l'ordre de Melchisédek, elle a comme fonction, et elle ne peut réapparaître seulement réellement, que lorsque le temps et l'espace doivent être régis par une forme d'énergie. Alors, le comte de Saint-Germain a plusieurs choses à faire. D'ailleurs, il y a 9 fonctions particulières, il en a déjà eu 7. Présentement, disons qu'on a augmenté un peu son travail, j'espère qu'il y a eu une augmentation. Mais ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes pour pouvoir travailler à leur insu ou en collaboration réelle avec le comte de Saint-Germain. Le problème, c'est qu'on personnalise le comte de Saint-Germain parce que de temps en temps, lui prend une entité, donc il se donne un nom, ou plusieurs noms d'ailleurs, comme c'est son habitude, et on s'imagine Pardon, que le comte de Saint-Germain, c'est une entité qui va se présenter puis qui vient serrer les mains, puis alors on se dit automatiquement comment il peut régler quoi que ce soit. Le Nazaréen a été incarné, c'est-à-dire le Christ a été incarné, l'énergie christique, et il a réglé des choses. Mais il se passe, si on croit aux forces du mal, on ne peut pas croire aux forces du comte de Saint-Germain. Mais le comte de Saint-Germain est beaucoup plus fort que les forces du mal parce qu'il a deux mains. Dans une, il régit le mal, et dans l'autre, il régit le bien. Et connaître les forces du mal, c'est connaître la main droite de Saint-Germain. Connaître les forces spirituelles du bien, c'est connaître la main gauche de Saint-Germain. Connaître ces deux choses-là, c'est se libérer du mécanisme, se libérer du mécanisme de l'astral, c'est entrer en contact avec l'énergie supramentale, cela veut dire aussi entrer en contact avec le comte de Saint-Germain. C'est pas une personnalisation, c'est pas une personnalité. On a des peintures, ça c'est celle que lui-même a faite de son corps à cette époque-là, mais il faut pas penser que c'est encore la même chose. OK, si on regarde ça, on est obligé d'être d'accord avec toi qu'il a créé beaucoup de formes, qu'il a créé beaucoup de ballons, qu'il a laissé le soin à certaines personnes de les faire sauter ou de ne pas les faire sauter. Disons que ça a été un point assez important dans la période de temps qu'il a œuvré sous le nom du comte de Saint-Germain. Maintenant, il y a une autre chose qui semble avoir été très importante dans le travail qu'il avait à faire à ce moment-là. On ne voulait pas parler de 1700, mais... C'était le côté scientifique pour les deux prochains siècles. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Il a poussé, d'ailleurs... C'est une des méthodes que lui a pris pour énergiser l'astral. Qu'est-ce qui a fait que l'homme s'est lancé dans la recherche scientifique? C'est lorsque l'ego a commencé à jouer dans la découverte scientifique. Et lui a amené, le roi, a amené différentes personnes de la haute classe à jouir de la recherche scientifique en s'amusant simplement à faire de l'alchimie, c'est-à-dire que tu prends un colorant bleu, un colorant vert, tu mélanges ensemble, ça fait du rouge, ça fait des ballons. C'est ce qu'il leur a montré. Mais là, eux autres étaient emballés par ce qu'ils découvraient. Automatiquement, l'ego a commencé à jouir de la découverte intellectuelle. Cela a dynamisé la base, le bas mental et la haute astrale. Et c'est pour ça que l'homme s'est lancé dans la découverte scientifique. Lui-même a eu plusieurs inventions à son crédit, mais ces inventions-là n'étaient pas là pour améliorer le sort de l'être humain. Non, mais on voyait qu'il poussait beaucoup pour... Pour ces raisons-là. Pour, disons, dans le côté de la science, comme par exemple la machine à vapeur, le bateau à vapeur, le train, ainsi de suite. Mais le train, c'est pas lui qui l'a fait. Non, mais il a travaillé... Il a simplement donné ce qu'il fallait à des personnes en Angleterre pour que les autres finalisent le train, mais le comte de Saint-Germain, comme tel, n'a jamais travaillé là-dedans. Non, comme ni sur la locomotive. Toutes les inventions appliquées. Certaines inventions, c'est lui qui les a finalisées et il a donné les plans à certaines personnes. Par contre, en ce qui concerne la machine à vapeur, lui avait le principe de ce phénomène, mais c'est des savants anglais qui ont compris et qui ont perfectionné cette chose-là. Mais le comte lui-même ne s'est jamais mêlé de fabriquer ces choses-là. Par contre, lui a travaillé réellement dans les teintures ou dans les colorations de peinture, mais c'est à peu près les seuls... Il y a quelques autres genres d'inventions que lui a léguées comme telles à l'humanité. La majorité des inventions, c'était des suggestions faites à la lancer comme ça, puis s'il y avait une personne pour la ramasser, lui s'organisait évidemment pour la lancer dans la face de celui qui voulait la ramasser, et automatiquement, l'œuf grossissait, faisait éclosion, et on avait une apparition. Mais le comte de Saint-Germain n'a pas participé à la science comme telle. Tout ce qu'il a fait, il a énergisé l'astral de façon à ce que l'ego puisse jouir de la connaissance intellectuelle, ce qui, évidemment, il n'a pas énergisé l'astral pour le fun. L'astral suffisamment supérieur commence à dériver en énergie mentale. Et on énergise l'astral pour pouvoir venir maganer l'ego, pour que l'ego ait peur et souffre. Et l'ego souffrant essaie de régler la souffrance, ne pouvant régler la souffrance, il découvre qu'en lui... Il croit que c'est en lui, alors en réalité c'est à l'extérieur, il y a une énergie mentale, et automatiquement il s'en remet à l'énergie mentale, et le comte de Saint-Germain a dynamisé ce qui est resté à dynamiser de l'astral, ce qui avait été suffisamment fait par les religions avant, donc à partir du Nazaréen et de Bouddha et de Lao Tse et de d'autres, et après il a donné à la possibilité à l'homme d'énergiser, non pas seulement de servir de l'intellect, mais d'énergiser l'intellect, la jouissance que l'ego pourrait avoir de la découverte scientifique était pour énergiser l'intellect. Et de là on arrive au mental. Ça, c'était une des fonctions du comte de Saint-Germain à l'époque, et c'est pourquoi il a énergisé l'astral, donc le bas mental. OK, on ne parlera pas du côté politique. Si on parlait peut-être du côté physique, dont il attachait beaucoup d'importance, Daniel, on sait que dans le PMC ici, il y a beaucoup d'importance sur le côté physique, et puis le comte de Saint-Germain était un de ceux qui attachait beaucoup d'importance. tous les scientifiques qui ont étudié avec les données qu'ils avaient, la vie, si on peut dire, en viennent tous à la conclusion que le physique est très important, la santé est primordiale, ça devrait passer numéro un. Dernièrement, je lisais un livre qui, justement, est écrit par un ami Braggs aux États-Unis, qui donnait des, je sais pas, il est peut-être décédé dernièrement, là, qui donnait des cours à des gens âgés, pour des cours de culture physique. Lui-même, à l'âge de 90 ans, courait 2000 par jour, marchait 5000 par jour, était en très grande forme physique. Et puis, dans ce qu'ils ont... le monde, il rencontre les premiers de tous les gouvernements, les premiers de toutes les religions. Je pense que c'est un de ceux qui a rencontré le plus de dirigeants mondiaux. Et puis, lui, justement, dans ses écrits, il attache beaucoup d'importance à la circulation. Il dit même qu'il fait référence à un médecin qui a suivi des présidents américains, justement, pour qu'ils soient en bonne forme physique. Que lorsqu'il a lâché le président Taft, il a rencontré tous les centenaires des États-Unis. Et puis, certains parmi eux fumaient, ce qui était anti-longue vie. Certains parmi eux prenaient un petit verre, et certains en prenaient beaucoup. Et puis, à force de rencontrer tous ces gens-là, il a pris toutes les notes, et puis, il en est venu à la conclusion qu'ils avaient tous une chose en commun. Ils travaillaient tous pour faire des exercices de circulation, ainsi que des rubbing, qu'on appelle, là, tu sais, des massages, des massages de peau, ainsi de suite. Est-ce que, pourrais-tu nous parler de l'importance de la circulation dans la santé, circulation du sang? C'est comme l'argent, hein? Quand ça ne circule pas, ça ne sert plus à rien. Le sang transporte évidemment de l'oxygène et du gaz carbonique. Le sang transporte de l'énergie vitale un peu. Le sang transporte énormément d'énergie émotive. Mais le sang transporte, on trouvait que je me répète, mais tu veux savoir, le sang transporte aussi les hormones. Et qu'est-ce qui régit la santé, le vieillissement, l'expression, enfin, toute la vie de l'être humain, et qu'est-ce qui fait en sorte que les énergies supérieures peuvent s'exprimer dans le corps humain? Ce sont les hormones. Et ces hormones-là sont sécrétées par des glandes endocrines, donc qui sécrètent dans le sang, et automatiquement, lorsqu'il n'y a pas de circulation adéquate au niveau du sang, on n'a pas une circulation adéquate au niveau des hormones. Cela veut dire qu'on n'a pas de circulation adéquate des messages donnés par les énergies. Lorsque l'énergie astrale se sert de la glande hypophyse pour donner un message au corps physique, qui est le message épars, donc automatiquement le corps physique émet tout ce qu'il a besoin pour pouvoir exprimer la peur physique, ben, si tu n'as pas de mauvaise circulation, tu n'auras pas le même résultat. Et les hormones sont aussi assujetties à l'énergie mentale, très peu, et à l'énergie supramentale à un moment donné. Mais elles sont régies, surtout par l'astral et par l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui est, elle aussi, transmise par, c'est-à-dire que les ordres de l'énergie vitale sont transmises par le système endocrinien au niveau de la pinéale et au niveau de l'hypophyse. Présentement, la pinéale n'est pas suffisamment développée, donc c'est surtout régi par l'hypophyse. Lorsque l'hypophyse émet une impulsion hormonale, il émet en même temps une impulsion vitale. Et si la circulation du sang n'arrive pas à amener en même temps, donc dans son temps, l'hormone à l'endroit du corps approprié, en même temps que l'énergie vitale par les méridiens est apportée, l'énergie vitale arrive dans un endroit et il n'y a rien qui se passe. L'énergie vitale, elle est comme tout ce qui existe dans le temps, elle disparaît si elle n'est pas réénergisée. Mais tu envoies un message à quelqu'un, tu n'envoies pas ça des milliers de lettres d'un acide de l'autre, il en envoie juste une. Lorsqu'il arrive, si l'énergie vitale arrive à son temps, il n'y a pas d'hormones, il ne se passe rien. Les hormones arrivent beaucoup plus tard, il n'y a pas d'énergie vitale. Donc, les récepteurs spécifiques de ces hormones ne sont pas en opération, ce qui fait que les hormones circulent dans le sang, sont éliminées après ça par le corps, on les envoie aux toilettes. Donc, la circulation sanguine, elle est régie par certains mécanismes, par certaines lois de type physique, et la circulation d'une énergie vitale, elle est régie par une loi de type vital. Et ces deux se font une correspondance extrêmement proche, c'est chez la matière qui est animée. La matière peut être animée parce que l'énergie vitale est en résonance parfaite et immédiate sur tous ses plans, avec tous les plans de l'expression matérielle. Donc, lorsque l'énergie vitale arrive quelque part et que l'hormone arrive en même temps, les récepteurs spécifiques de cette hormone sont prêts à la recevoir, ils la reçoivent, ils réagissent et donc on a une expression. Le vieillissement est une perte d'énergie vitale et le vieillissement est aussi une mal-compréhension, une mal-synchronisation entre l'expression du vital et l'expression des hormones qui sont réellement ce qui va contenir le corps, ce qui va garder le corps comme il est, ce qui va obliger les globules blancs à venir travailler à une certaine place, ce qui va obliger les os à se ressouder, ce qui va obliger une plaie à se fermer. C'est régi par des hormones qui sont locales et par l'énergie vitale qui est amenée. Alors, ce qui fait qu'à la longue, on a des pertes au niveau de la captation du calcium, de la captation du fer, de la captation de plusieurs choses, ce qui fait que l'individu vieillit. L'individu vieillit, pourquoi? Parce que la cellule reçoit l'ordre de se diviser, mais elle n'a pas ce qu'il faut au niveau matériel. Et si l'hormone n'arrive pas en temps, la cellule ou ce qui devrait normalement sécréter ou libérer dans le sang les substances chimiques nécessaires ne le libéreront pas au bon moment donné. Autrement dit, disons, ce n'est pas tout à fait le cas, mais prenons une cellule. La cellule, pour se diviser, elle a besoin de fer. Pour capter le fer, elle n'en capte pas régulièrement parce qu'elle n'en a pas besoin, elle ne se divise pas. Pour capter le fer, certaines enzymes ou certaines hormones vont venir autour de la cellule et vont donner l'ordre à la cellule de capter le fer. La cellule capte le fer et la cellule commence à se diviser. Si les enzymes ou encore, les enzymes sont aussi circulées, en circulent par le sang, donc si les hormones n'arrivent pas en temps, la cellule se divise, mais elle ne peut pas capter le fer qu'il y a dans le sang. Et ici, il n'y a pas de fer dans le sang parce que la région du corps qui devrait normalement libérer la dose de fer dans le sang, je prends le fer comme exemple, mais disons que c'est d'autres substances, je simplifie un peu. Alors, à un moment donné, disons que le pancréas ou le foie ou d'autres organes ramassent certaines substances, ou encore les os, le calcium, et de temps en temps, sous l'ordre de certaines hormones, elles le libèrent. Parce qu'il y a pénurie quelque part, on peut avoir une ischémie du myocarde, on peut avoir plusieurs problèmes des arythmies cardiaques qui vont être causés par des problèmes de potassium, par exemple. Et on a des hormones qui vont avertir les endroits où ce qu'on accumule ces minéraux de les libérer. Et on va aussi avertir les endroits qui en manquent d'ouvrir un peu plus pour ramasser vu qu'il y en a moins. Mais si le sang n'amène pas en temps les messages, automatiquement les organes qui devraient libérer ne libèrent pas au bon moment. La cellule ne peut pas ramasser au bon moment. Si elle sécrète elle-même les hormones ou ce qu'il faut, s'il n'y en a pas suffisamment dans le sang, elle en manque parce que celui qui devait libérer n'a pas eu le message au bon moment. L'énergie vitale arrive au bon moment sur une peau et un corps en santé, mais si la circulation sanguine est obstruée, par exemple, par l'artériosclérose ou l'athériosclérose, on a une diminution du volume sanguin, de la rapidité sanguine, donc les messages sont inappropriés. En plus, l'énergie de l'astral en vieillissant bâtit un ego de plus en plus puissant, et l'ego manipule évidemment la glande hypophyse par l'intermédiaire de l'hypothalamus, et de plus en plus, on a des messages discordants qui sont émis, alors là, c'est l'autre problème du vieillissement. Donc, la circulation sanguine, en plus de donner des choses au corps physique tel quel, l'oxygénation, la chaleur, éliminer les toxines, l'acide lactique et un paquet d'autres mécanismes directement biologiques, elle a surtout comme fonction primordiale, c'est surtout pour cela que c'est primordial la circulation, c'est parce que c'est elle qui transmet les hormones d'une place à une autre et les hormones vont être captées seulement par la région qui est vitalisée par l'énergie vitale, donc par les récepteurs spécifiques de l'hormone, et s'ils sont énergisés, ils vont capter l'hormone, donc ils vont réagir à ce que l'hormone leur demande. C'est un ordre donné à une particularité des cellules qui sont spécialisées dans certaines choses, pour faire certaines choses, et s'ils ont l'ordre au bon moment avec l'énergie suffisante pour le faire, ils le font. D'ordonner à un cuisinier de cuisiner lorsqu'il est extrêmement faim et qu'il a de la misère à se tenir debout, il ne cuisinera pas. Tout ce qu'il va cuisiner, il va manger à moitié. Donc, ce qui reste pour le reste, il n'en reste pas assez. Donc, le monde a de plus en plus faim. Si, par contre, la nourriture arrive au cuisinier en même temps que l'ordre, automatiquement, tout est correct. Le cuisinier est en pleine forme, il va cuisiner, tout le monde va avoir faim. Tout le monde va manger à sa faim. Alors, la circulation, disons que là, le seul d'importance au niveau du vieillissement et au niveau de plusieurs autres choses, c'est que le corps a une tendance naturelle, et c'est normal, à ne pas vieillir. Et si, par les habitudes psychologiques, la cigarette, manger trop de choses qui vont boucher les artères, par exemple. La cigarette, ça va nuire surtout au niveau du cancer du poumon et du manque d'oxygénation. Ça va nuire pour certaines choses, mais c'est pas ça qui va faire vieillir. Par contre, c'est surtout le régime alimentaire qui va faire vieillir et le régime psychologique qui va empêcher l'élimination de choses qui vont obstruer, soit le gras, soit du calcaire, du calcium, qui vont finir par obstruer les artères de deux manières. L'un va se placer entre les cellules de l'artère, donc gonfle l'artère par l'extérieur et par l'intérieur, donc diminue la lumière de l'artère, l'endroit par le sein. Et l'autre système, simplement du gras qui va se coller dans la lumière tout court et qui va encore diminuer le passage. Et ce mécanisme-là vient d'habitude néfaste de la psychologie qui énergise d'une façon insuffisante les organes excrétaires pour éliminer ces choses-là. Donc on en a trop dans le sang, c'est-à-dire qu'on finit par les stocker quelque part. Et aussi de l'énergie vitale qui n'est pas capable de faire en sorte que ces formes, ben, la salle dynamique de l'énergie vitale pour obliger, elle transforme la sécrétion hormonale qui nuit à ses organes et elle transforme l'énergie vitale qui énergise les organes qui devraient normalement l'expulser. Et en plus, l'astral fait que tu manges des choses qui, normalement, ne devraient pas être prises et que même si intellectuellement tu l'apprends, tu es toujours tenté et tu succombes à la tentation de bouffer ces choses-là, ce qui fait que tu nuis à la circulation sanguine. La condition physique, même s'il y a un obscurcissement des artères, la condition physique peut éliminer ces choses-là. Les deux seules choses qui permettent présentement d'éliminer le calcium, le gras et le calcium, l'artériosclérose et l'athérosclérose dans les artères, ça va être le jus de raisin pur, pas le vin, le jus de raisin pur, et le vin va aider un peu, mais disons que c'est le jus de raisin qui est mieux, et le lait de beurre, c'est-à-dire lorsque l'on prend de la crème, lorsqu'on la brasse suffisamment pour en faire du beurre, ce qui reste, si on le boit, ça va être suffisamment, c'est suffisamment énergisé pour aller chercher le calcium ou le gras dans les artères. Il n'y a à peu près pas d'autre moyen d'éliminer ces choses-là, ce qui fait qu'en faisant ça, on rajeunit, on retarde le vieillissement parce qu'on réaugmente la circulation sanguine. Et la condition physique, les exercices comme le yoga, les exercices comme le tai chi, les exercices de conditionnement physique ordinaire vont évidemment aider à la circulation sanguine par augmentation de la résistance périphérique des vaisseaux, par augmentation de la force du cœur, du volume cardiaque. Enfin bref, si tes vaisseaux sont assez solides et que le cœur prend plus fort, on a des embolies, on a des anévrismes, c'est-à-dire que le vaisseau il s'étire et finit par péter. Donc évidemment, la condition physique bien structuré, fait que tout ça s'améliore, donc la circulation sanguine avec. On a une autre question ici, Daniel, en rapport avec ce que tu viens d'expliquer. Là. Tu dis que c'est l'énergie astrale qui contrôle et produit les décharges hormonales. C'est quoi le corps physique et l'énergie et les énergies astrales. Okay. Les deux. C'est quoi le mécanisme qui va se passer et qui va permettre à l'énergie mentale de contrôler les décharges hormonales? Ah, c'est très facile. Tout ce qu'il faut, c'est que l'énergie mentale contrôle l'énergie astrale. Mais à un moment donné, l'énergie astrale va être détruite, c'est-à-dire va être transmise en énergie mentale. L'énergie mentale d'un niveau inférieur à l'énergie mentale, qui est reliée au mental supérieur, évidemment. Et automatiquement, on n'aura plus ces problèmes-là. Alors, tant que l'énergie mentale ne peut pas diriger l'expression de l'astral, on ne peut pas y arriver. Autrement dit, l'énergie de l'astral va faire en sorte que lorsque tu prends un verre d'eau bouillante, l'énergie physique va faire en sorte que ta main va s'ouvrir et que le verre va tomber. Cela veut dire que tu as émis mentalement ou astralement l'ordre de prendre le verre. Tes muscles ont l'impulsion de se fermer. Donc, tu as des muscles qui tirent pour fermer, pour prendre le verre, qui mettent la force nécessaire pour l'échapper. Lorsque c'est brûlant, un onde vient jusqu'à la colonne, est interprétée par des parties neurologiques au niveau de la colonne et vont être conduites jusqu'au cerveau pour t'avertir que le verre est brûlant. Mais en même temps, l'onde revient sur le bras, vient annuler l'ordre des muscles qui se ferment pour permettre d'ordonner aux muscles de s'ouvrir. Et ça, c'est important dans l'axe réflexe pour la simple raison que si les muscles qui se ferment continueraient à se fermer quand en même temps que tu donnes l'ordre de les ouvrir, ta main resterait dessus, mais comme ça. Alors, on trouve bien ça. On pense que le réflexe est facile, mais tu mets ta main dans le feu, c'est chaud, tu la retires. Ça veut dire que l'ordre qui fait ça doit être cancellé à ton insu et l'ordre qui ramène doit être donné. Puis, astralement, ce qui va arriver, c'est que si astralement tu prends ça, tu ne veux pas l'échapper, tu es capable de contrôler pour le transporter d'une table à l'autre, même si c'est brûlant. Donc, déjà là, l'astral est capable de passer par-dessus le réflexe. Et là, c'est important. Cela veut dire que le réflexe physique, ce qui se fait mécanique, l'onde électrique part, vient à la colonne et retourne vers ouvrir la main. Pourquoi immédiatement? Parce que s'il va au cerveau, que le cerveau l'analyse, qu'il l'envoie pour ouvrir la main, on perd du temps, tu peux être brûlé. Quand tu plantes un clou dans un pied, faut que tu ne te rends pas compte que tu as le clou avant de sauter. Tu sautes avant. Sinon, tous les clous dépasseraient le bord du pied avant que tu t'en rendes compte. Et évidemment, quand tu relèves le pied, il y a tout un paquet de mécanismes qui se mettent en branle pour pas que tu retombes sur le pied qui est blessé, pour que tu retombes sur le clou, pour que tu tiennes debout, etc. Mais tu es capable, toi, par la psychologie, de trouver quelque chose, c'est chaud, tu le perçois et tu es capable d'empêcher ton bras de s'ouvrir, donc d'annuler une chose qui normalement ne se fait pas. L'onde repart et tu es capable de rattraper l'onde, on reviendra là-dessus à un moment donné, pour l'annuler et conserver l'ordre déjà donné. L'énergie mentale va faire la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va être capable de donner des ordres et chaque fois que l'astral donne un ordre, l'énergie mentale va en être mise au courant par l'intermédiaire d'une autre glande endocrine qui sert, elle, c'est cette glande endocrine qui est la pinéale, elle a une utilité fondamentale. Chez les enfants, cette glande pinéale sécrète une hormone, une glande endocrine, et cette hormone, elle existe chez l'enfant jusqu'à temps qu'il commence à avoir des caractères sexuels secondaires, la puberté. À ce moment, on peut noter dans le sang des adolescents qui commencent la disparition de cette hormone, mais elle est sécrétée la nuit et mais plus le jour, et de moins en moins au fur et à mesure que le caractère sexuel augmente, jusqu'à un certain temps où la glande ne sécrète plus ces hormones. Cette glande pinéale, elle est la glande qui contrôle l'énergie sexuelle au complet. Et elle le contrôle de façon à ce que le cerveau de l'enfant puisse se construire, régi par l'intelligence, puisse se construire dans l'enfance. Et lorsque le corps est suffisamment prêt pour pouvoir commencer à transmettre la vie, elle cesse la sécrétion de cette hormone. Et là, l'enfant devient un adulte. Cette glande, c'est celle aussi qui va mettre en relation, en contact le mental avec l'astral. Présentement, toute l'information qu'on a passe par l'hypothalamus. Donc, il est coloré là par la mémoire qui a une relation avec l'hypothalamus et l'information sensorielle qui pénètre. Après passer par l'hypothalamus, il sera en cortex cérébral. L'onde part du cortex cérébral et n'a pas besoin, lui, de passer par l'hypothalamus. Mais dans le cortex, on a des régions typiques de la psychologie astrale et on a là aussi le siège du mental naissant. Lorsque l'énergie astrale va être complètement transformée en mental, c'est lorsque le mental va asseoir sa domination dans le cortex cérébral. Donc, dans cette région, il n'y aura plus d'astral. Il n'y aura d'astral que dans l'hippocampe, le cervelet un peu, et le thalamus et l'hypothalamus. Présentement, l'astral domine aussi la conscience de l'homme. Elle est aussi dans le cortex. La pinéale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement, la pinéale est toujours au courant, c'est-à-dire que lorsque l'impulsion du cortex est envoyée, qu'il vienne de l'astral ou qu'il vienne du mental, la pinéale, c'est une glande qui vibre continuellement selon les informations données. Et selon les informations données, c'est-à-dire selon les ordres que le corps va exprimer, et on a donc des ordres qui vont se donner au système endocrinien et au système vital. Cette pinéale, elle se développe, elle régit la formation du mental, elle régit l'expression sexuelle qui est évidemment, qui est pris en main surtout par la psychologie de l'astral, c'est-à-dire que la pinéale, tout ce qu'elle permet, c'est l'expression sexuelle, mais elle n'en dirige pas l'intelligence, car c'est une glande qui a à se développer, et elle va se développer par l'intermédiaire de l'énergie supramentale, et cette glande, à un moment donné, va être capable de mettre, elle va être informée continuellement de tout ce qui est exprimé par le corps. Donc, lorsque le mental va émettre quelque chose, le mental va savoir ce qu'il émet. Conscience de ce que tu fais. Et lorsque l'astral va émettre quelque chose, le mental va savoir ce qui se passe, donc va être capable de l'annuler. Parce que là, on aura évidemment affaire à un mental qui sera électrique et non pas biochimique ou bioélectrique. Donc, il sera énormément plus rapide. Il pourra rattraper n'importe quel ordre, comme l'énergie vitale en bloque un acte réflexe, parce que la première ordre qui est envoyée, c'est un ordre qui est envoyé au niveau de l'aura de l'homme, donc du plan de l'astral. Celui-ci vient suffisamment perturber, disons, j'ai expliqué un peu que l'électricité, lorsqu'elle passait dans les neurones, comme dans un fil électrique, dégageait un champ électromagnétique, et si on perturbe le champ, on perturbe l'électricité à l'intérieur. Vu que c'est un message, lorsque l'énergie astrale émet quelque chose, tu ne veux pas le perdre. Du moment que tu penses à ne pas le perdre, n'a pas échappé ton verre, maintenant elle peut brûler ton enfant. Du moment que tu y penses, automatiquement, l'acte réflexe est annulé parce que l'énergie astrale est plus rapide que l'énergie bioélectrique et automatiquement vient perturber le message. Et là, tu réenvoies par l'intermédiaire habituel, par le neurone, le système nerveux, l'ordre de poursuivre. Et là, tu déposes. À un moment donné, le mental, qui va être drôlement plus rapide, parce que l'astral va rester bioélectrique, mais le mental va devenir électrique, alors il va être capable de rattraper presque 100 fois plus rapidement les ordres de l'astral que l'astral rattrape les ordres réflexes. Est-ce que c'est un peu ce qui se produit chez les maîtres des arts martiaux? Non, les maîtres des arts martiaux, il n'y en a pas. Ce qu'on pourrait s'attendre, ce qu'on parle dans les traditions, sont profs. Oui, je sais. Ça a tellement été, c'est compliqué d'aborder le phénomène sur ce point-là, parce que on n'en connaît pas. OK. Lorsque on prend le verre, ça c'est correct, Daniel, mais lorsque on met la main sur 550, et on n'est plus capable de l'enlever, qu'est-ce que c'est qui se produit? C'est pour dire simplement que l'électricité rentrant dans ton bras cancelle par sa puissance tous les messages neurologiques donnés à ta main et donne le message à ta main. Donc, ils vont crisper les muscles. Maintenant, les muscles crispés sont tous crispés. Les muscles qui veulent ouvrir sont crispés autant que les muscles qui veulent fermer. Parce qu'évidemment, l'électricité ne vient pas déterminer une action. Elle ne décide pas que tu restes dessus, elle. Elle passe et elle vient crisper ces muscles-là. Là, quand tu parles du 500, évidemment, là, c'est pas ça qu'on parle. La main, c'est l'autre, parce qu'il n'y aurait plus. Mais disons qu'on parlerait du 200 ou du... 220. Bon, alors lorsque ça se met à trembler, c'est que tes muscles sont tous contractés violemment. Pour éliminer, pour ôter ta main de force, il faut simplement faire... Si, mettons qu'une personne devrait s'entraîner à faire ça, tout ce qu'elle a à faire, c'est de prendre quelque chose et de le tenir. Il vient un moment donné où les muscles se fatiguent et les impulsions électriques passent moins bien. Donc, l'homme est obligé d'envoyer, disons, 1 volt, c'est beaucoup moins, disons, 1 volt d'impulsion électrique à ses muscles pour dire garder le verre. Quand le bras fatigue, il faut qu'il envoie 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 10 volts, 20 volts, 30 volts, à un moment donné, tu as besoin de volonté, 40 volts, 50 volts. Là, il faut que tu commences à te concentrer, c'est-à-dire à mettre le plus possible de neurones en émission pour continuer l'action, 70 volts, puis 90 volts. Lorsque, donc là, ça demande un effort qui fait que le monde s'écarte parce que l'astral a besoin d'énergie du mental pour vivre. Le mental, il en dépense pour d'autres choses, puis commence à en prendre ailleurs, fait que le monde, je ne fais pas ses efforts. Puis c'est comme ça que ça se passe. Et là, tu entraînes tes neurones à se concentrer pour pouvoir émettre plus gros. Lorsque tu es sur le courant électrique, c'est la même chose. Tu es suffisamment capable d'émettre pour pouvoir contrebalancer ça, il n'y a aucun problème. Il faut que tu mettes des voltages plus hauts, c'est-à-dire plus haut. Vu qu'il est plus efficace, il n'y a pas besoin d'être aussi haut. Mais le voltage réellement supérieur à ce que tu émets normalement, sinon ta main va rester là. Alors, c'est simplement ça qui va se passer. On dit que l'énergie peut, à un moment donné, couper l'homme de sa sexualité d'une manière temporaire. Que se passe-t-il via l'énergie en rapport avec les hormones? Est-ce un arrêt du fonctionnement hormonal? Merci. Les hormones, c'est pas juste le système sexuel. Le système sexuel fabrique certaines hormones, mais c'est réellement pas le système. Une personne qui n'a, une femme qui n'a plus d'ovaire ou un homme qui n'a plus de testicules ne meurt pas. Il poursuit son évolution. Alors, il y a certaines hormones qui ne seront plus sécrétées, mais ça a juste rapport avec le caractère sexuel, au niveau des glandes sexuelles. Donc, une personne, l'énergie, ce qu'elle va faire, c'est lorsque la glande pinéale doit être énergisée ou que le cerveau est en train de subir une certaine phase de mutation, la glande pinéale se remet à réémettre, à resécréter cette hormone qui, je crois, est peut-être présentement découverte, mais elle se remet à recommence à resécréter cette hormone et automatiquement, tout ce qui est sexuel disparaît. Pourquoi? Parce que cette hormone donne comme message aux glandes sexuelles un arrêt de sécrétion de différentes hormones et un arrêt de sécrétion au niveau de d'autres glandes, ce qui fait que tu n'as plus rien. Parce que l'astral s'exprime par le système endocrinien. Donc, tu n'as pas d'appétit sexuel s'il n'y a pas en toi les hormones nécessaires à avoir l'appétit sexuel. Donc, tu ne peux pas avoir d'appétit sexuel, tu n'as pas de sexualité si tu n'as pas ces hormones-là. Par contre, si j'en prends qu'une seringue, je t'en injecte, tu en as. Et pourquoi, par exemple, certaines substances sont aphrodisiaques? C'est qu'ils vont simplement, par le biais de la chimie, forcer les glandes à sécréter ces hormones. Donc, tu viens fou de la marde, puis là, tu en as besoin. Bon. Mais ce qui arrive simplement, c'est que lorsque la pinéale va commencer à sécréter cette hormone, tout disparaît parce qu'elle donne l'ordre en priorité par-dessus l'hypophyse, ça c'est l'épiphyse, à éliminer les hormones qui donnent l'attrait sexuel. Alors même si tu vois tout ce qui normalement t'excitait, ça t'excite astralement. L'astral fait vibrer l'hypophyse qui elle émet automatiquement des ordres en rapport avec la vibration. Donc, tu vas sécréter un paquet d'hormones, l'énergie vitale vient faire certaines choses, et là, automatiquement, tu es en chaleur. Bon, mais si la pinéale, pour une raison cérébrale ou une raison pinéale, se met à sécréter cette hormone, automatiquement, il n'y a plus de sexualité, ça ne vaut même pas la peine de chicaner, ça ne vaut pas la peine de dire à la personne qui ne fait pas d'effort, c'est une question de volonté. Et il n'y a plus rien, l'astral n'a plus rien, il n'y a rien à faire. Et lorsque tout est fait, tout redevient normal pour donner un repos à l'homme et à la psychologie de l'homme. Et là, automatiquement, l'hormone cesse d'être sécrétée et l'homme redevient normal. Lorsque ce phénomène se produit, qu'on ne sécrète plus les hormones pour l'attrait sexuel, quelle est, en conscientisation, je parle, qu'est-ce que c'est qui se produit à ce moment-là, Daniel? Est-ce qu'on ferme une valve pour laisser passer quelque chose? C'est la glande pinéale simplement qui, en relation avec l'ajusteur de pensée, s'organise. Quand tu n'as plus d'attrait sexuel, lorsque tu es dans conscientisation, c'est l'un des symptômes d'une transformation cérébrale qui est opérée. Et pour transformer le cerveau, on a besoin de 100% de l'énergie sexuelle, comme chez l'enfant lorsqu'il vieillit. L'enfant de 0 à aller jusqu'à 12-13 ans a des neurones qui se créent régulièrement. Et lorsque toi, tu as une mutation cérébrale qui est en opération, aussi infime soit-elle, automatiquement, si on a besoin, parce que tu n'en as pas suffisamment, de l'énergie sexuelle en plus, donc de l'énergie vitale, on va couper tout ce qui peut gaspiller cette énergie vitale, et automatiquement, on va s'en servir pour pouvoir construire au niveau du cerveau. Et là, il y a une mutation cérébrale, donc psychologique. Maintenant, une personne peut avoir une sexualité normale, même si elle a une mutation psychologique et cérébrale. Mais si le potentiel d'énergie vitale n'est pas suffisant, alors on va couper ou on doit couper dans les endroits les moins importants, comme la sexualité, pour pouvoir construire le cerveau. Alors, ce n'est pas nécessaire que cela se produise. Non. Ça dépend de l'énergie vitale dont tu possèdes. Lorsque tu n'es pas en relation avec un ajusteur, ce que tu peux faire, tu peux devenir chaste et pur. Mais pur, on s'en fout, mais chaste. Alors, automatiquement, tu conserves plus d'énergie. Alors, automatiquement, le cerveau peut s'en servir. Mais ce n'est pas une méthode d'évolution d'être chaste et pur. Cela a déjà été une méthode. Cela même, d'ailleurs, a été presque l'exclusivité. Hein? C'est que je mettais la méthode exclusive dans l'Antiquité. Les maîtres l'ont fait. Il y a juste Rasputin qui ne l'a pas fait. Mais les maîtres ont tous été, n'ont jamais eu d'enfants, sauf dans certains temps. Mais ils n'ont jamais eu de relations sexuelles autres que pour avoir des enfants, ceux qui en ont eu. Et c'était normal. Et après ça, on a essayé, d'enclencher cette éducation chez le monde. Et c'était bon. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est plus bon. Aujourd'hui, si ça l'a arrivé... La gaspiller, c'est toujours pas meilleur. Mais ça sert à rien de vouloir être chasse. L'énergie va s'occuper pour toi. Au lieu que ce soit une manipulation de l'astral, c'est une manipulation du supramental. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour toi de tu n'es pas à souffrir. La gaspiller, je suis bien d'accord avec toi, mais une fois de temps en temps, c'est pour... C'est comme le gars qui boit, une fois de temps en temps, il est juste un peu chaud, il est pas trop chaud. Fait que chacun a son niveau de gaspillage, puis chacun y va un petit peu. Tant qu'il ne se sent pas coupable. Alors, une autre question dont je ne t'ai pas posée ici, Daniel. Explique-moi encore comment laisser la fenêtre ou porte ouverte afin de mieux discerner si c'est le vent qui entre ou un voleur. Bon, je n'en parlerai pas trop pour les raisons que j'ai tout à l'heure expliquées. Parce que c'est pas un trip de l'ego. C'est une intelligence du mental. Tout ce que je fais, c'est que je prépare ceux qui auront passé par là au moins à voir un peu ce qui va se passer. Puis à un moment donné, on va être capable, ou ces personnes vont être capables d'ouvrir une porte. Différencier le vent du voleur, cela n'a aucune importance parce que par cette porte, il ne va rentrer que le voleur. Rien d'autre. Alors, il va arriver déguisé de bien des manières, mais par cette porte, juste le voleur va pouvoir se présenter là. Pourriez-vous m'éclaircir ce point, s'il vous plaît? Première partie. D'une part, il faut d'abord se libérer du bas astral avant de se libérer du haut astral. Et de l'autre, la rencontre avec le mal, l'initiation, se fait après avoir rencontré Dieu. Merci. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas suffisamment énergisé, donc en relation... Si l'homme n'arrive pas à se libérer de la manipulation, il ne peut pas arriver à être supramental, c'est-à-dire à être manipulé par un autre. On a déjà dit dans l'Antiquité que l'homme ne peut servir deux maîtres, mais l'homme ne peut non plus être esclave de deux maîtres, alors ce qui fait qu'on devra en éliminer un. L'un est possessif, l'autre ne l'est pas. Ah donc, c'est le maître possessif, celui qui nous possède, que l'on doit éliminer. Alors, on n'aura pas le temps d'y répondre convenablement, disons que ça me plaît bien gros, parce que je n'ai pas trop abordé le sujet. Mais tout ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne doit suffisamment manipuler les énergies du haut astral spirituel, je dis bien manipuler, pour pouvoir descendre, manipuler le bas astral, pour pouvoir revenir après et cliner les deux. Mais si on ne manipule pas l'astral spirituel, autrement dit, merde, si vous ne comprenez pas l'intelligence de l'astral spirituel, vous ne le manipulez pas. Alors si vous faites juste l'éliminer de l'or, je ne peux plus manipuler, je ne peux rien savoir, tu vas t'en poser en fer, te faire ramasser par le diable et à la gueule tout grande ouverte. Alors si tu comprends l'intelligence de la forme, l'intelligence des religions, l'intelligence de la croyance, l'intelligence de la foi et les dangers de ces phénomènes-là, automatiquement tu peux contrôler l'astral spirituel, du moins tu t'y rapproches et l'autre pourrait l'envoyer. Connaître l'astral spirituel ou connaître Dieu dans le ciel pour pouvoir le manipuler. Mais pas parce que c'est mauvais qu'il faut l'éliminer, il y a une intelligence là-dessus. Alors, il faut connaître l'intelligence de ce mécanisme, descendre en bas, régler le problème qui est là, remonter en haut, puis balayer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Merci beaucoup. Alors, on va venir dans quelques minutes avec les apprentis professeurs.